qu'on aille tous s'asseoir. Que demain on refuse d'aller, dis-tu bon. Et demain qu'on discute, qu'on échange, on se raconte des histoires. Se faire foutre ceux qui attendent qu'on travaille pour eux. Et je te croise dans la rue. La femme à cigarette, et elle à contre-jour, et celui-là que j'ai vu naître, et les yeux vers ce que j'attends, cette bouche déliée, ces malices défilantes, ces grillages à peine perdus. Et je te croise dans la rue, et cette peau, et cette épaule, et ce visage. Et forcément je te dirai que tu l'es attirant, mais pour le dire, pour le sourire, moi aussi, j'en aime un. Je te dis ça pour la beauté. Je te dis ça parce que ça fait du bien. Je parle du devoir d'être humain plutôt que marchander les droits de l'homme.